Les habitants sud-coréens s'opposent catégoriquement à l'installation du SAD en Corée du Sud. Selon Yonhap sud-coréen, l'association provinciale du Gyeongsang du Nord de la Confédération générale nationale des associations paysannes a tenu le 19 une conférence de presse devant la sous-préfecture de Songju pour demander le retrait du programme de déploiement du SAD. Le journal d'internet sud-coréen Omae News, en date du 19, fait part de la lutte continue partout en Corée du Sud contre la disposition du SAD américain, notamment à Changwon, Jinju, Gimhae et ailleurs de la province du Gyeongsang du Sud.